Chapitre 19. Mademoiselle Noué et Magali, à la suite de l'infirmière, passaient entre les lits clairs des salles de l'hôpital de Stilton. Un chaud soleil de mars traversait les grandes vitres, s'épandait en nappes lumineuses sur le sol carrelé. Et, dans cette clarté, Magali vit tout à coup un visage ravagé, aux yeux clos, en qui elle eut peine à reconnaître William Roswell. « Mais vit-il encore ?» balbutia-t-elle devant cette figure livide. Au son de sa voix, le mourant ouvrit brusquement les yeux. Il eut une exclamation rauque. « Je rêve !» Magali s'avança, toute pâle, en murmurant intérieurement une prière. « C'est bien moi, » dit-elle doucement. « Je viens vous dire que j'ai tout oublié, William Roswell. »« Pas moi. Oh, pas moi !» dit-il avec un rictus de colère. « Je me souviens de vos réponses méprisantes, de vos dédains, de votre refus. Vous venez ici jouir de mon impuissance. Mais de qui êtes-vous en deuil ?» Avant que la jeune fille eût pu répondre, il laissa échapper une seconde exclamation. « Que veut dire ceci? Êtes-vous donc fiancée ? » demanda-t-il en désignant la bague merveilleuse que portait Magali et qu'un rayon de soleil venait de faire étinceler. Elle fit un signe affirmatif. « Est-ce à lui, au duc de Staldif ?»« Précisément. » Un éclair de rage jaillit de son regard. « Quoi ? Son orgueil a cédé, malgré tout. Je ne l'aurais jamais pensé. Ce beau duc, qui semblait si fier, si énergique, n'a pas plus de volonté que les autres. » fit-il avec une sorte de fureur dédaigneuse. « Il n'y a cependant rien qui doive vous étonner. » dit Magali en faisant un effort pour parler avec tranquillité. « Par ma mère, je suis presque l'égale du duc de Staldif. » Il eut un soubresaut et tenta de se redresser. « Par votre mère, vous ne savez pas qui elle est. » Elle s'appelait Lady Ethel Lowted. « Qui vous a dit ? » grinça-t-il. « Lord Lowted lui-même, avant de mourir. » « Ah, je m'explique. Ainsi, il faut donc qu'elle triomphe malgré tout, cette Ethel. » « Vous la connaissiez ?» demanda Magali en plongeant son regard dans les yeux du misérable, déjà un peu voilé par l'approche de la mort. « Oui, je la connaissais, » fit-il avec une rage sourde, « et votre père aussi. Et même, je vais vous apprendre quelque chose. Luc Dolté fut trouvé assassiné dans un faubourg de Bombay et l'auteur de cette mort demeura inconnu. Or, celui-ci s'appelait William Roswell. » Magali recula avec une exclamation d'horreur. « Ah, cela vous émeut !» dit-il avec un ricanement cynique. « Que voulez-vous ? Je le haïssais. J'ai toujours eu une antipathie réductible pour les gens beaux et bons, tels, par exemple, que votre noble fiancé. Cependant, Luc Dolté m'avait accordé toute sa confiance et comme il dirigeait là-bas une petite entreprise commerciale, il m'avait remis d'avance le soin de ses intérêts dans le cas où il viendrait à disparaître, car il était de santé délicate et sa femme, toujours malade, aurait été incapable de le remplacer. Après sa mort, je me trouvais donc investi du droit de conseil envers la jeune veuve. Celle-ci, je le savais, avait pour moi une secrète antipathie, mais jamais elle n'avait pu ébranler la confiance de son mari en son cher ami Roswell. Nonobstant cette sorte d'aversion, je me mis en mesure d'exécuter le petit plan pour lequel j'avais supprimé Luc Dolté. Je savais par celui-ci que sa femme était récemment devenue l'héritière future de Lord Lowted par suite de la mort du seul parent masculin existant encore. Il s'agissait donc pour moi d'épouser la jeune veuve. Je pris en main toutes les affaires d'intérêt, je me fis confier, sous prétexte d'indispensables recherches à faire, toutes les pièces légales que possédait Madame Dolté, puis un jour, je vins lui adresser ma demande en mariage. Avait-elle une intuition de la véritable cause de la mort de son mari ? Toujours est-il qu'elle me répondit avec un tel mépris que je lui vouai dès lors une haine implacable. Peu de temps après, cette petite entreprise commerciale, qui était sa seule ressource, s'effondrait, aidée par moi naturellement. C'était la ruine pour elle. Comme elle était une femme énergique, malgré sa santé précaire, elle se mit à donner des leçons. Alors moi, que tentait toujours son titre d'héritière, je renouvelai ma demande. Elle ne me répondit même pas et me montra simplement la porte. Dès lors, je m'attachai avec acharnement à lui nuire en toutes choses. Bientôt, la vie devint intolérable pour elle et, un jour, j'appris qu'elle avait quitté secrètement Bombay avec ses enfants. Je ne pus jamais retrouver sa trace. Ce ne fut que beaucoup plus tard que, me trouvant un jour chez le consul d'Angleterre à Ispahan, en même temps que le duc de Saldif, j'entendis celui-ci raconter incidemment votre histoire. Il me vint alors à l'esprit que Freddy et vous étiez les seuls héritiers de Lord Lowthead et que je pourrais peut-être tenter quelque chose de ce côté. Vous auriez eu une jolie dot, Miss Magali, et votre frère aurait été entre mes mains. J'aurais habilement obligé le vieux lord à vous reconnaître pour ses petits-neveux. Vous voyez que je vous raconte toutes mes petites combinaisons bien simplement, dit-il avec un affreux rictus. Magali, blême d'émotion devant cette révélation cynique, s'appuyait presque défaillante contre Mademoiselle Amélie. Mais elle se redressa tout à coup, ne voulant pas laisser cet homme jouir de sa souffrance. « Comment se fait-il que je ne vous ai jamais vu à Bombay ? Cela n'a rien d'étonnant, car vous avez été presque constamment en pension tous deux à cause de la faible santé de votre mère, et d'ailleurs, j'allais assez rarement voir Madame Dolté, qui me recevait toujours à contre-cœur, lorsque je prétextais quelques renseignements à lui demander sur les affaires d'intérêt dont m'avait chargé son mari. Je vous vis peut-être 3 ou 4 fois en passant, et il se peut fort bien que vous n'ayez gardé aucun souvenir de moi. Eh bien, que dites-vous de tout cela ? Fit-il d'une voix rauque. Vous vous réjouissez de me voir impuissant, vaincu ? Oui, vaincu, haleta-t-il rageusement. Magali s'avança, elle se pencha, malgré son instinctive répulsion, vers cet homme qui était l'assassin de son père et le persécuteur de sa mère. Ne pensez pas ainsi, au nom de mes parents, au nom de Freddy, qui fut aussi frappé par vous. Je vous pardonne, William Roswell. Ce n'est pas vrai, dit-il en grinçant des dents. Vous voulez faire la généreuse, mais je ne vous crois pas. Et d'ailleurs, je n'ai pas besoin de votre pardon. « Vous avez raison, il vous faut tout d'abord celui de Dieu, » dit-elle gravement. Il râla. « Je ne veux pas non plus de celui-là. Partez, laissez-moi en repos, au lieu de venir m'insulter de votre bonheur, de me faire connaître celui de ce duc de Saldif que je hais. Laissez-moi mourir tranquille, puisque je n'ai pas pu me venger. » « Je vous en conjure, songez au compte que vous aurez à rendre à Dieu, » supplia la voix frémissante de Magali. « Songez que vous êtes sur le bord de l'abîme et qu'un cri de repentir peut encore vous sauver. »« Laissez-moi, » hurla-t-il, « je devine pourquoi vous êtes venu me tourmenter. Vous voulez les papiers que je possède et qui me furent remis par votre mère. Mais vous n'aurez rien, rien !» Il s'affaissa, un flot de sang s'échappant de ses lèvres. Mademoiselle Amélie appela l'infirmière, puis elle entraîna Magali, toute frissonnante. « Sa grâce, le duc de Saldif, vient d'arriver et vous attend au salon, Mrs. » leur annonça la patronne de l'hôtel où elles étaient descendues. Magali, toute rose soudain, entra dans la pièce où Lord Gérald se promenait de long en large. Il vint à elle, un sourire heureux éclairant sa physionomie altière. « Pardonnez-moi mon impatience, mais j'avais hâte de connaître le résultat de votre pénible démarche et aussi de vous revoir, Magali. » Elle lui raconta alors ce qui venait de se passer. Le cynique récit de Roswell éclairait toute la douloureuse histoire de la pauvre Lady Ethel et donnait la raison de sa fuite loin des Indes, toute faible et malade qu'elle fût. « Pauvre chère maman !» murmura Magali, dont les yeux se remplirent de larmes au souvenir de la pâle figure jamais oubliée. « Je me rappelle en effet combien elle semblait inquiète pendant le voyage, comme elle regardait constamment autour d'elle. Elle craignait sans doute de voir apparaître cet homme. Et il ne paraît pas disposé à se dessaisir des papiers qui nous appartiennent, Gérald. Nous nous en passerons, ne vous tourmentez pas, ma chère Magali. » Ainsi, ce malheureux être n'a montré aucune lueur de repentir. Aucune, Gérald. Si vous le voulez, nous irons à la chapelle catholique prier pour lui, car c'est une chose affreuse de penser que ce malheureux va s'en aller ainsi dans l'éternité. » Ce fut sans doute cette prière de l'homme qu'il haïssait et de la fille de ses victimes qui amena au dernier moment chez William Roswell le repentir sollicité pour lui. D'une main presque glacée, il traça quelques mots donnant l'adresse d'un ami de Londres chez lequel les papiers se trouvaient en dépôt. Au bas, il écrivit « Pardon ». Ce billet presque illisible fut remis au duc de Saldif au moment où il allait quitter Stilton avec sa fiancée, Mademoiselle Amélie. Il eut une exclamation satisfaite et le tendit à Magali en disant « Remercions le Seigneur qui a permis que ce malheureux coupable se ressaisit enfin. La miséricorde divine est inépuisable, nous le supplierons pour lui, car je lui pardonne à votre exemple, ma chère fiancée. » Le duc de Saldif et sa jeune femme avaient fait sur leur yacht leur voyage de noces. Ils avaient visité en cette saison printanière les côtes de Grèce et d'Asie et accompli un long pèlerinage en Terre Sainte, le rêve de Magali depuis son enfance. Maintenant, ils abordaient sur la terre de Provence où venait les rejoindre Freddy, appelé par un télégramme de son beau-frère, celui-ci voulant à la fois faire une surprise à sa femme et donner à son cher Fred la satisfaction de revoir un peu plus tôt ceux qui étaient ses plus chères affections. Lord et Lady Dorwilly, de retour d'un voyage aux Indes, arrivèrent aussi peu après et le marquis d'Ouled, ravi, leur fit à tous les honneurs de sa Provence, surtout de sa chère Arles, la cité endormie que réveille le Félibrige. Il leur montra l'énorme ruine des Baux, l'étendue désolée et grandiose de la Croix. Il leur fit admirer, en artiste, les monuments antiques dont s'enorgueillit sa petite patrie. Un matin, où soufflait une brise légère, le duc et Magali, laissant leurs compagnons s'en aller vers Avignon, montèrent seuls aux antiques de Saint-Rémy. Longuement, à l'ombre d'un micocoulier, ils contemplèrent ces joyaux de l'art grec, s'élevant dans ce site digne de l'Attique. L'air pur était parfumé de la senteur balsamique des asphodèles et du romarin. Le soleil un peu brûlant, mais si radieux, éclairait les prunelles veloutées de Magali. Et ces deux êtres, avec l'harmonieuse élégance de leur forme et la beauté superbe de leurs traits, évoquaient la pensée de ces chefs-d'œuvre de l'antique statuaire, réalisation d'un idéal d'incomparable esthétique. Mais ces statues-là vivaient, et les mêmes pensées profondes passaient dans ses yeux bruns et dans ses yeux noirs, qui savaient si bien se comprendre, en y mettant une lumière qui était le reflet de leur âme. Magali avait posé sa main sur le bras de son mari. Le soleil faisait étinceler à son poignet la rosée de diamants et les délicates bruyères en rubis qui formaient un bracelet fermé par un lis d'or, semblable à ceux du blason de Provence. Il lui avait offert cette merveille artistique au début de leur fiançailles en lui disant « Ceci est une légère réparation. Je veux effacer sur ce pauvre petit poignet la marque qui imprima jadis ma violence. » J'ai moi-même tracé le dessin de ce bijou, Magali. Il sera pour vous un double souvenir. Celui de Gérald d'autrefois, dur et orgueilleux. Celui, surtout, je l'espère, du fiancé qui n'aspire qu'à vous rendre heureuse et à devenir meilleur près de vous. » Et ceci n'était pas chez lui une vaine parole. Magali savait que ce cœur lui appartenait tout entier et qu'elle pouvait tout demander à celui qui lui avait donné sa confiance absolue et l'entourait d'un tendre respect en l'appelant « ma chère sagesse », réalisant ainsi cette idéale union de cœur et d'âme qui devrait exister entre les époux chrétiens. Magali ne se laissait pas griser par sa haute position et les prévenances de tous les instants dont elle était entourée. Elle ne s'enorgueillissait pas de l'influence qu'elle possédait sur cette volonté que nul n'avait su faire plier et qu'un regard d'elle, un de ces regards à la fois fermes et doucement suppliants dont elle avait le secret, amenait aussitôt à la réflexion. Elle était toujours la simple et pieuse Magali, unissant la gaieté au plus intime sérieux, s'initiant chaque jour un peu plus à ses nouvelles responsabilités d'épouse et se donnant de toute son âme à celui auquel elle avait promis fidélité devant Dieu. « Eh bien, que dites-vous de cette vue, Magali ?» demanda alors Gérald en prenant doucement la petite main qui se glissait sous son bras. « Ceci est délicieux, Gérald. Je me crois vraiment en Grèce ici. Quelle harmonieuse lumière! Quelle température exquise !»« Oui, c'est la pure lumière de Dieu, trop souvent obscurcie, hélas, par les fautes humaines. Emplissons-en nos yeux, ma reine de mai. Aspirons ces parfums fortifiants, grisons-nous d'un peu de poésie et de bonheur. Et cette lumière, ces parfums, ce bonheur de nos âmes, nous les rapporterons dans notre brumeuse Angleterre, nous les répandrons sur ceux qui souffrent, et nous en garderons un peu pour nous, Magali. Nous en conserverons pour les jours d'inévitables épreuves, alors que nos cœurs subiront la douleur, mais ne cesseront de s'appuyer l'un sur l'autre et d'espérer en Dieu. » Du bas de la montagnette où sont situées les antiques, monta une voix d'homme grave et chaude. Elle chantait en provençal et quelques paroles parvinrent aux oreilles des deux jeunes gens qui se taisaient pour l'écouter. « Mai tretever, velis estel, ô Magali, cum ampali. » « Connaissez-vous assez la langue chère à votre ami Douled pour me traduire cela, Gérald ?» demanda Magali en levant vers son mari ses grands yeux veloutés, ses yeux de sarrasine, comme les avait qualifiés spontanément la reine lorsque la petite nièce de Lord Lowthead lui avait été présentée avant son mariage. Souriant, il se pencha et effleura de ses lèvres le front de la jeune femme. Traduction littérale. « Mais dès qu'elles t'ont vue, ô Magali, vois les étoiles comme elles ont pâli. » Et il a raison, le poète, que sont, aux yeux de Dieu, les plus étincelantes étoiles, près d'une âme pure et fervente, fidèle et tendre entre toutes, telle que la vôtre, ô Magali, mon lys de Provence. Fin de Magali de Delhi.